I saw him fuck the cop. Since I urged my playing as Tinky Sixes, which made blaze a kid, got better, I started up. Mais tout dans un vol bureau, j'étais avec deux belles petites avec des gros lolo. Ok, m'arrête de niaiser, ils vont me chercher. Bon, calme-toi, j'te laisse pas sécher. Donne-moi 20 minutes, nous voyons aller te chercher. Pop, pop, pop, à soir j'fuck les cops. Pop, pop, pop, à soir on fuck les cops. Pop, pop, pop, à soir j'fuck les cops. Pop, pop, pop, à soir on fuck les cops. Hey, le gros, gros soirée. Parle-moi ça pas, les cops font chier. T'aurais dû les envoyer chier. J'étais pas sous, puis j'étais pas gelé. Mais pourquoi tu t'en arrêtais? Mais parce que c'est des kills de con, puis qu'il faut que tu fermes ta gueule ou bien que tu changes de